ma fille pour nous finir. Sirisia a wapa rete la. Kouma ansel zwel, bon kaya marinel. Apre la pi tombe, bon kazali. Si dani ma fille paraît incrédit. La ville des fois c'est mal à voir. Fini pour plaisir. Si Nello t'es si belle, la pluie a qu'à tomber. Yeah. Tout ça nous chante, qu'à joindre d'autres chanter. Au côté soleil, pour qu'on vive en ciel là. L'air en nuit, l'autre beau Jacques a dit sayonara. Combien doulé, combien douce. Pati paka j'en vivini même en hier. Combien chagrin, combien la peine. Yo chayé monté dans d'autres ciels qu'on y a joué. Je vais te faire de mon écrit, ton blog.